jeune fille aux robes relevées qui passe le fleuve d'amour à gué dans un pays de pardons et de fêtes. J'ai vu le loup, le renard, le mauvis, la fille qui s'en retourne aux prairies, dans le fleuve le cerf qui tremble et boit. J'ai reconnu le chant de l'alouette, le long museau camouflé du goupil qui se coule dans l'ombre du sous-bois. Dame d'azur, se peut-il que l'on meure avant d'avoir connu le temps d'aimer? J'aime le chant du mauvais déjeuner. Oh, jeune fille, oh, quelle joie je pleure. D'autres oiseaux que je n'ai pas nommés, d'autres pays où le jour va manquer, d'autres amours qui sont mortes peut-être. Je n'entends plus le chant de l'alouette, même le cri coupable du crapaud. Je reste seul, sans fièvre ni repos, à dégivrer les feux de ma fenêtre.